Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 36. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, le dimanche 14 mai 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es la main sur le Colt, tu es Western Spaghetti, tu es Attaque de la Diligence, tu es Shérif Fais-moi Peur, tu es joueur de poker au saloon et tu es aussi... Nous sommes dans l'Ouest ici. Quand la légende dépasse la réalité, on publie la légende. C'est préférable. Oui, tu l'auras compris l'ami. Ce matin, tu es cow-boy solitaire dans les plaines du Far West. Depuis 15 jours, plus personne ne peut ignorer en France qu'au plus haut sommet de l'État, c'est une ambiance de western qui règne désormais entre le bon, la brute et le truand. Va savoir qui est qui. Mais bon, toujours est-il qu'à l'heure où le climat politique semble être animé par une douce nostalgie du Far West, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin d'enfiler un joli Stetson et un long manteau pour aller explorer et découvrir les mystères de l'Ouest. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle du Far West. Pour commencer, de Buffalo Bill à la dégaine de John Wayne, il faut te retracer une histoire subjective de la conquête de l'Ouest. Ensuite, il faudra essayer de décrire en quoi l'univers des westerns a envahi une partie de notre imaginaire. On enchaînera justement sur une interview exclusive du créateur de Blueberry, le dessinateur Jean Giraud, à qui nous avons soumis un quiz sur le monde du Far West. Et puis, dans cette ambiance de règlement de compte, nous te dévoilerons comment Alain Juppé, le cow-boy solitaire du Canada, va rentrer en France pour prêter main forte au shérif de l'Elysée. Et enfin, te raconter comment Monique et Jean-Claude se sont retrouvés déguisés en cow-boy dans le métro le week-end dernier. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et dégaine plus vite que ton nom. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53. Drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Thank you. They had a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. You Never Can Tell chante en 1964 Chuck Berry, un tube qui a été choisi 30 ans plus tard, en 1994 donc, par Quentin Tarantino pour la BO du film Pulp Fiction, sorte de western déjanté où ça canarde à tout va. Alors cette semaine, la panique au Mangin Palace s'intéresse donc au cowboy. Le cowboy, c'est le personnage mythique du Far West américain. C'est le rude gaillard courageux, vêtu de cuir et de jean, un Stetson vissé sur la tête, toujours à cheval, solitaire et robuste, qui traverse les plaines hostiles de l'Ouest américain. En effet, après avoir proclamé leur indépendance en 1776, les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord ne regardent plus vers le vieux continent que nous sommes. Les Américains fantasment alors sur les terres encore vierges de l'Ouest. Et quand en 1849, on apprend qu'il y a de l'or en Californie, c'est la ruée vers l'ouest et le pionnier, il sait très bien ce qu'il veut. Je sais ce que je veux, c'est de l'or. Oh. Je veux de l'or. Oh. Oh, de l'or. Oh. La ruée vers l'or accélère la mise en place de liaisons entre les côtes pacifiques et atlantiques des États-Unis. Ainsi, les grandes plaines entre les Rocheuses et les Appalaches voient arriver les premiers blancs qui s'installent sur la terre des Indiens. Premier contact avec un Indien sauvage. Il était venu au fort pour essayer de voler mon cheval. Quand je me suis montré, il a pris peur et s'est enfui. J'ignore combien vivent dans les environs, mais je suppose que quand il y en a un, il y en a un autre. Les Indiens, c'est donc comme les trains, ça peut en cacher un autre. Les Indiens ont été allègrement massacrés et les survivants ont été parqués dans des réserves. Ce n'est qu'en 1924 que les Amérindiens sont devenus citoyens américains. Dans les grandes plaines s'installent donc des pionniers toujours plus nombreux. En effet, au 19e siècle, les États-Unis connaissent une immigration massive. L'Europe déverse sur ces nouvelles terres son trop-plein de population. Et oui, au 19e siècle, les Européens ont eu la chance d'avoir un continent entier pour épancher une croissance démographique galopante sans qu'on leur oppose à eux une immigration choisie. Ainsi, des milliers d'Européens peuvent rêver d'une vie meilleure sous le soleil du Texas. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La plupart des migrants connaissent au Far West des conditions de vie difficiles. En effet, les terres sont accaparées par de grands propriétaires à la tête de ranch immense consacrée à l'élevage bovin. Pour beaucoup d'hommes partis en quête d'aventure, le seul métier possible, c'est alors de se mettre au service de ces grands propriétaires fonciers pour accompagner les troupeaux. C'est la naissance des cow-boys dans les plaines du Far West. Dans les plaines du Far West, quand vient la nuit, les cow-boys près du bivouac sont réunis. Ils fredonnent au son d'un harmonica une vieille chanson de leur beau Texas. Et leur chant est répété par l'écho syncopé, par le rythme d'un banjo. Dans les plaines du Far West, quand vient la nuit, les cow-boys près du bivouac sont réunis. Les plaines du Far West voient donc apparaître un nouveau personnage, le cow-boy. Le cow-boy, autrement dit le garçon vaché, accompagne les troupeaux dans leur transhumance, bien souvent jusqu'au marché à bestiaux, sur parfois plus de 1000 km. Cela dit, les cow-boys n'ont jamais réellement constitué un groupe social important. Quelques milliers d'hommes tout au plus, et cela sur une période limitée à la fin du 19e siècle. Le métier de cow-boy était difficile, mal payé, et dans la réalité, bon nombre de ces vachers étaient noirs ou mexicains. Mais être cow-boy, c'est plus qu'un métier lié au système d'élevage des grandes plaines. C'était un mythe, un mythe fondateur de l'identité américaine. Le cow-boy participe de la construction nationale des États-Unis. Le cow-boy, c'est le pionnier qui repousse toujours plus loin la frontière et c'est aussi l'homme épris de liberté qui tient son destin entre ses mains. Dès le début du XXe siècle, le cinéma s'empare de l'image du cow-boy. Le western apparaît rapidement comme l'archétype du film américain. Alors bien sûr, quand le 12 juin 1979, le cow-boy s'en va, c'est un peu du mythe qui disparaît. Vous écoutez France Inter, Inter 13, Gilbert Denoyant. Le cinéma en deuil. John Wayne est mort cette nuit à 72 ans d'un cancer. Le grand cow-boy invincible a trouvé plus fort que lui, le cancer. John Wayne, qui était né le 26 mai 1907, était issu d'une famille modeste. Il s'appelait de son vrai nom Michael Morrison. Dès 1928, il commence à tourner dans des films muets, mais sa carrière débute vraiment en 1930 avec Raoul Walsh, qui lui trouvera d'ailleurs son nom, John Wayne. Il fera plus de 200 films. Le dernier géant d'Hollywood s'en va après que le cinéma lui ait rendu hommage lors de la remise des Oscars il y a quelques mois. John Wayne, le duc, c'est aussi l'histoire du grand cinéma américain. Le cow-boy est donc au cœur de l'histoire du grand cinéma américain et au cœur de l'identité américaine. Le cow-boy, c'est une figure positive en grande partie reconstruite au XXe siècle. Beaucoup réutiliseront d'ailleurs cette image en publicité ou en politique, mais attention, n'est pas cow-boy qui veut. La réputation de cow-boy de Ronald Reagan vient d'en prendre un sacré coup. L'ancien président américain a fait une chute de cheval lors d'une partie de chasse au Mexique, rien de cassé. Il participait à une partie de chasse au buffle, Jean Lucas. Ronald Reagan, qui joue volontiers les cow-boys, commence à se faire trop vieux pour aller taquiner les chevaux fougueux. L'ancien président avait profité du 4 juillet, jour de la fête nationale, pour aller chasser dans la province de Sonora, au Mexique, chez un de ses nombreux amis milliardaires. Reagan, qui a toujours dit qu'il n'y avait rien de mieux pour l'intérieur d'un homme que l'extérieur d'un cheval, s'est vu confier une monture un peu fraîche. Sans aucun respect pour l'ancien chef de la Maison Blanche, le cheval s'est débarrassé de son cavalier. Ronald Reagan, un peu sonné, a été transporté d'urgence de l'autre côté de la frontière, en Arizona, dans un hôpital militaire. Plus de peur que de mal, des bleus, mais pas de fracture. Reagan est décidément un homme d'une solidité à toute épreuve. Ainsi, en 1989, après deux mandats, le président Reagan était encore d'une solidité à toute épreuve. Comme quoi, ça arrive. Alors, si les cow-boys ont disparu, leur esprit, lui, est sans doute un peu resté. À la Maison Blanche, on trouve encore l'attrait des grands espaces, le désir de conquête et la chasse aux Indiens qui, aujourd'hui, dépassent le Far West et soufflent sur le monde entier, pas seulement en Arizona. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington, il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessein. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur, la rivière sans retour d'Otto Preminger. Tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke, propre comme un archiduc, oncle Sam me doute. Hollywood nous burn, Hollywood burn, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Gare aux gorilles, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il saute des époques et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chip, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une touche cheveux se part sous, des types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les States sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien, le mal, le Kulik et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte, c'est le décor. La vie ne fait pas le moine dans la rouille vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le prenne. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Nouveau western, c'est ce que chante MC Solar en 1994 sur un album intitulé Prose Combat. Parce que, regarde bien, si tu remplaces le corbeau par un vautour, l'hôtel Matignon par Fort Alamo et la République par le Grand Canyon, y a pas de doute, on assiste bien à un nouveau western. Alors, pour continuer notre voyage en diligence à travers les plaines du Far West, après avoir survolé l'histoire de la conquête de l'Ouest, il est temps maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, de nous intéresser à la mythologie de l'univers des Far West. Et nous allons voir ensemble qu'il ne faut pas hésiter à flinguer les clichés. Le héros légendaire des westerns de Sergio Leone, le cowboy Clint Eastwood, a coutume de dire que l'Amérique n'a donné naissance qu'à deux formes d'art spécifiques, le jazz et le western. Et dans son ouvrage référence, Clelia Cohen ajoute que parmi tous les genres cinématographiques auxquels Hollywood a donné naissance, le western est sans conteste le plus original, né du terreau même de l'Amérique, de ses personnages et de ses paysages. Le western est présent dès le début du cinéma américain, et d'ailleurs il n'a jamais réellement disparu depuis. Dans les années 50 et 60, ce fut l'âge d'or des films de cowboy. À l'époque, ils ont envahi la culture européenne, provoquant au passage toute une série de clichés sur le Far West. Par exemple, on a souvent dit chez nous que les peaux rouges et les visages pâles avaient entretenu des rapports guerriers et féroces. Eh bien, c'est faux. Nous avons retrouvé, nous aussi, puisque c'est la mode en ce moment, un document secret qui te prouve le contraire. Mon frère rouge ne pourra pas arrêter le progrès. S'il nous chasse, d'autres visages pâles viendront. Quelle sage conduite lui dicte le grand Manitou ? Une redevance par bison chassé, un prix de location sur les terrains de chasse, une part des récoltes, des actions dans la compagnie du cheval de fer qui sera éventuellement constituée, concession d'un magasin de poterie dans le centre de la ville. Je fournis le calumet de la paix, visage pas le fournir le tabac, ça va ? Oh ! Eh oui, c'est comme ça, dès son origine, le Far West américain, c'était le royaume du business. Alors ensuite, toujours dans la série des clichés véhiculés par les westerns, on a souvent dit également que l'univers des cow-boys était un monde où régnait la loi du plus fort. Un monde où les fines gâchettes échappaient aisément à la punition. Eh bien, là aussi, c'est faux. La civilisation du Far West, face au hors-la-loi, a su s'organiser pour faire respecter la justice avec, comment dire, beaucoup de méthodes, à l'américaine quoi. Le goudron et les plumes est une vieille recette du Far West destinée à enlever aux malfaiteurs l'envie de revenir sur le théâtre de leurs exploits. Les ingrédients nécessaires à sa confection sont un tonneau de goudron, un sac de plumes et un individu ayant provoqué l'irritation de ses concitoyens. Tout d'abord, dépouillez l'individu. Complètement. Pendant ce temps, faites tiédir le goudron à feu doux et, juste avant qu'il ne frémisse, badigeonnez-en soigneusement l'individu. Il ne vous reste plus qu'à saupoudrer généreusement de plumes et à laisser partir. Le goudron et les plumes signifiaient alors que tu étais totalement coupable et totalement responsable, mais surtout que tu ne reviendrais plus chez nous par hasard. Par ailleurs, l'un des clichés les plus répandus dans les westerns sur le Far West consiste à nous faire croire que tous les cow-boys portaient des noms incroyables et romanesques. Jesse James, Liberty Valance ou encore White Earp. Enfin bon, là aussi, tu le sais bien, ça se discute cette histoire de noms. Il y avait un homme qui s'appelait Davy, il était né dans le Tennessee, si courageux que quand il était petit, il tua un ours du premier coup de fusil. Davy, Davy, qui n'a jamais peur. Pendant la guerre contre les Indiens, il combattit tout seul contre 20. Ayant une flèche plantée dans une main, il l'arracha avec son autre main. Qui n'a jamais mal. Franchement, même s'il n'a jamais peur de rien, Davy Crockett, c'est pas un nom ça. De la même manière, les westerns nous ont également fait croire que les cow-boys ne pouvaient vivre qu'en Amérique, entre le magnifique Rio Grande et les déserts fascinants de l'Arizona, forcément. Eh bien non. nous aussi, en 1964, nous avions notre Far West sublime et dangereux dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Pendant 3 jours, du 15 au 18 mai prochain, la forêt de Saint-Germain-en-Laye sera livrée aux Indiens. Comme il se doit, à quelques distances de là, camperont quelques cow-boys, venus tout droit du Far West, mais rassurez-vous, tout ce petit monde fera bon ménage. D'ailleurs, Alain Barrault a rencontré le grand sachem, en l'occurrence Michel Péricard, qui lui a confirmé les intentions pacifiques des deux camps. Cette manifestation encore jamais vue en France, parce qu'on a construit ici, vraiment je crois, le plus grand décor de western que j'ai jamais vu en France. Il y a 110 maisons et pas une pareille. Et là, où nous sommes, nous sommes près de la réserve des Indiens, la tribu des Wapiti, qui sont véritablement une chose assez extraordinaire, car tous leurs gestes, leurs costumes et leurs objets sont rigoureusement authentiques. Il y a un saloon, bien sûr, il y a le camp indien, il y a un petit train du Far West, vous avez vu la gare, la Pacific Station, il y a du rodéo et une école de cow-boys entre les spectacles de rodéo. Entre nous, les chevaux et les taureaux viennent de Camargue, oui, mais bon. Ceux qui les montent sont d'authentiques américains. Bon, d'accord, les chevaux venaient de Camargue. Mais bon, quoi qu'il en soit, le cow-boy le plus célèbre au monde, il vient de chez nous, madame. Et oui, il est beau, il est élégant, il aime les Indiens et c'est un héros, un vrai. La violence s'est emparée de Daisy Town et risque de l'étouffer. Pour sauver la jeune cité, il faudrait un homme courageux, un homme honnête, un homme capable de faire triompher la justice et ramener la paix. Cet homme, le voici. Cet homme, c'est Lucky Luke. Et il n'est pas seul, bien sûr. Je l'accompagne, moi, son cheval fidèle, Jolly Jumper. Alors, nous voici donc arrivés à mi-chemin de cette émission consacrée au Far West. Et pour compléter notre regard sur l'univers des westerns, nous avons joint cette semaine au téléphone le créateur du célébrissime cowboy Blueberry, à savoir le dessinateur Jean Giraud. Nous lui avons proposé de réagir à un petit quiz consacré à l'imaginaire des westerns. On découvre tout ça juste après le jingle. C'est cadeau VIP, 100% Vous êtes plutôt John Wayne ou Clint Eastwood ? Oh, Clint Eastwood, oui. Pour quelle raison ? Bah, Clint Eastwood, c'est toujours actif et on ne peut pas comparer. Wayne, bon, il était formidable, enfin, c'est une sorte d'accident biologique. alors que, oui, parce que c'est son physique et puis son jeu et sa mimique qu'il a mis au point, bon, bah, c'est un travail. Mais Clint Eastwood, c'est pas seulement ça, c'est un artiste, c'est un créateur, il a un univers, il a une trajectoire absolument incroyable où il part, on peut dire, de rien pour devenir un des grands réalisateurs mondiaux. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un personnage fascinant. Vous êtes plutôt Colt ou Winchester ? Ça, c'est difficile. Disons que le Colt, c'est... La Winchester est belle, hein, c'est vrai, c'est un très bel engin, mais le Colt, c'est quelque chose, c'est une sculpture absolument sublime. C'est une des plus grandes réussites de l'art industriel. Le Colt a une perfection absolue, je trouve, d'achèvement et d'équilibre et de beauté. Vous êtes plutôt long manteau ou gilet de cuir ? Oh, je serais plutôt long manteau parce que les gilets de cuir, je pense que c'est vraiment une invention hollywoodienne des années 50-60. J'en suis pas fou. Alors que le manteau, que ce soit en cuir ou en... C'était plutôt d'ailleurs des manteaux en coton. Mais je pense que ça a une réalité. C'était des caches-poussières. Hein. Mais ça a de la gueule. Par contre, c'est difficile à dessiner. Je préfère dessiner un gilet qu'un manteau. Vous êtes plutôt shérif ou hors-la-loi ? Je suis assez shérif, parce que le shérif, il est... On peut avoir des modèles de comportement, disons, plus variés. Alors que hors-la-loi... Oui, enfin, évidemment, il y a des hors-la-loi qui sont des victimes, c'est sûr. Mais j'aime pas tellement les destins de hors-la-loi, parce que c'est quelque chose qui toujours va vers le désastre. Hein. En fin de compte, le shérif, il peut très bien vivre dans le non-événement, alors que le hors-la-loi, non. Vous êtes plutôt Apache ou Mohican ? Ah, je suis résolument Apache. Et pour des raisons graphiques qui sont aussi le lieu géographique vers lequel j'ai porté mon regard, qui est plutôt le sud-ouest, hein, et la frontière avec le Mexique. Vous êtes plutôt le bon, la brute ou le truand? Moi, je suis plutôt du côté du bon, hein, c'est-à-dire de Clint, hein, dans le film. Mais j'adore le rôle joué par Eli Wallach. Et là, je trouve que Eli Wallach a toujours été génial, mais là, il est tout à fait sublime. Surtout quand il court au milieu des tombes. Il a une façon de courir au milieu des tombes, ça, je sais pas, là il a eu la grâce absolue. Là. Alors c'était Jean Giraud pour la panique au Mangin Palace. Look at the man, the Superman, they turn to King Kong in the end. Yeah, look at the hands caressing yours, you are the monkey on your bed. I know you hold off all books of Darwin, modern ancient law. You had to wait, darling, till midnight to find out Dick was too fast for love. You wanna go to heaven, but you can't fix the sun. Sometimes you feel you're just hanging around, men coming to you like a train. Sometimes you cry, why do I love a guy? Love is the way you want it, but not in the way they try. I know you try to find some kind of handsome butterfly. The difference between you and I is that one day I will fly. So you caught him when he caught you. You pin him like an entomologist. You wanna go to heaven, baby, you're trapped in a cocoon. Sometimes you feel you're just hanging around. Why did you have to crucify? You act in love like an entomologist. Love is the way you want it, but not in the way you try. You had a strange dream late at night. You're flying like a moth. You think about this poor Jesus Christ. The Ape Man, The Bride and The Butterfly, c'est le triptyque que propose le groupe français Jack the Ripper sur l'album intitulé Ladies First. Les hommes singes, la jeune mariée et le papillon. Alors, c'est joli, mais ce ne sera jamais aussi beau que le bon, la brute et le truand. Alors, pour poursuivre notre voyage dans les mystères de l'Ouest, il est temps maintenant, à 11h33, de te dévoiler en exclusivité comment Alain Juppé, le cow-boy québécois, va tenter de prêter main forte à Président Chirac, le shérif assiégé dans ce drôle de western qui se joue depuis 15 jours dans les plus hautes sphères de l'État. Mais alors, que va-t-il se passer ? Souviens-toi, voilà plusieurs mois maintenant que le meilleur cow-boy d'entre nous fut banni par les siens. Contraint de quitter la ville, Alain Buffalo Juppé décida alors de traverser l'Atlantique pour aller découvrir les grandes plaines de l'Amérique. Là-bas, un peu perdu et abandonné, il fut recueilli par une tribu d'Indiens, les Québécois. Depuis, nous avons régulièrement des nouvelles. Ainsi, grâce à son journal de bord, à son blog, diraient certains, Buffalo Juppé nous raconte ses journées dans les plaines du Canada. L'automne est arrivé et je passe plus de temps que jamais avec mes amis. Ils m'ont donné un tipi où je me sens à mon aise. Nous parlons tous les jours, mais je sais qu'Oiseau Bondissant n'est pas content de moi. Il ne cesse de demander combien de Blancs vont arriver ici. Je lui dis que les Blancs traverseront probablement la région, rien de plus. Je ne profère que des demi-vérités. Un jour, il en viendra trop, et je ne parviens pas à le lui dire. Eh oui, c'est pratique. Oiseau Bondissant ignore ce qu'est la langue de bois. Toujours est-il que Crâne d'œuf, comme l'ont baptisé les Indiens, a beaucoup appris à leur contact. Mais voilà, il y a quelques jours, la vie paisible d'Alain Buffalo Juppé a basculé. Alors qu'il remontait tranquillement le fleuve Saint-Laurent en pirogue, son portable a sonné. C'était le shérif Chirac qui le suppliait de rentrer pour lui prêter main forte. Car désormais, pour le shérif Chirac, le gouvernement français aujourd'hui, ça ressemble plutôt à ça. Ton univers impitoyable. Glorifie la loi du plus fort. Ton soleil implacable. Tu ne redoutes plus que la mort. En quelques instants, Buffalo Juppé a vu là l'occasion de revenir pour se venger et reprendre du service auprès du shérif Chirac. C'est ainsi que, dans le plus grand secret et armé jusqu'aux dents, il est arrivé à Paris hier matin. Il s'est rendu tout de suite au bureau du shérif où, visiblement, Bernadette, la femme du shérif, semblait très inquiète pour son mari. Elle tentait désespérément de lui donner un ultime conseil. Fiche le camp, Jack, et ne reviens plus jamais, jamais, jamais, jamais. Fiche le camp, Jack, et ne reviens plus jamais. Qu'est-ce que c'est ? Fiche le camp, Jack, et ne reviens plus jamais. Vraiment, je n'aime pas que tu me parles comme ça. Ne me dis plus un mot ou je pars au triple galop. Bye bye, fiche le camp, Jack, et ne reviens plus jamais. Quoi? Ne reviens oh plus non. jamais. Écoute, arrête, ah. arrête. Mais arrête. Le shérif Chirac ne veut pas partir. Il veut affronter ses adversaires. D'ailleurs, la présence d'Alain Buffalo Juppé lui redonne du courage, car il en faut. La situation s'est encore dégradée. Et oui, le shérif répète alors à Alain ce que Nicole Kidd lui a dit au téléphone il y a tout juste quelques minutes. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Tu ne perds rien pour attendre. Je saurais bien te descendre. Je serai content d'avoir ta peau, vieux chameau. Le shérif Chirac est inquiet, mais Buffalo Juppé le rassure, il va enfin pouvoir régler ses comptes, il s'occupera de tout. Pour commencer, il se rend à Fort Matignon pour savoir s'il peut compter tout de même sur le nouvel adjoint du shérif, Colorado de Villepin. Mais hélas, là aussi, le clan de Nicole Kidd a fait des ravages. Devant Buffalo Juppé, Colorado de Villepin ne semble pas au mieux. Plus une balle dans le revolver. Dans ma cour, y a plus de whisky. Je suis tout seul avec le désert. Qu'est-ce que je fous dans cette country? Les Cheyennes ont scalpé ma femme. Les Apaches brûlé ma ferme. Le shérif a violé mon cheval. Et en a marre de ce western. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Et on a marre de ce western. Buffalo Juppé se rend alors à l'évidence, il devra affronter seul le clan de Nicole Kidd. Il sait qu'il aura plusieurs hommes de main à flinguer au bout de son colt. Le mieux, se dit alors Buffalo Juppé, c'est sans doute de commencer par le siège de l'UMP. Arrivé sur place, il rencontre la première personne qu'il souhaitait descendre. Face à lui, à l'autre bout du couloir, se trouve Patrick Devedjian, surnommé le Manchot, qui reconnaît immédiatement la silhouette de Buffalo Juppé. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Toutes les fois que j'aurais eu la possibilité de te descendre, tu n'étais jamais à ma main. Mais aujourd'hui, ça va changer parce que tu es à ma pogne. Oui, j'ai eu tout le temps d'apprendre à tirer de la main gauche. Quand on tire, on raconte pas sa vie. Buffalo Juppé a été le plus rapide, car droit dans ses bottes. Mais il sait aussi que ses coups de feu vont donner l'alerte. Il ne faut donc pas traîner. Direction maintenant le saloon de l'Assemblée nationale, où il sait que le clan de Nicole Kidd doit se réunir pour un poker. Buffalo Juppé est arrivé avant eux. Il s'installe à une table et commence à dîner. Quand, tout à coup, Nico le Kid, entouré de son clan, entre dans le saloon. L'ambiance est électrique, car Nico le Kid reconnaît tout de suite son frère ennemi. Mais regardez qui est là. Mon ami le fumeur. Tu te rappelles pas de moi, amigo? Moi, si. Le monde est petit. Oui, il est également mauvais. Ça ne te tente pas de frotter une allumette aujourd'hui? Moi, habituellement, je ne fume qu'après les repas. Pourquoi ne viendrais-tu pas dans 10 minutes? Dans 10 minutes, amigo, tu fumeras au fond de l'enfer. Allez, debout! Buffalo Juppé se lève alors doucement. Ils sont 4 contre lui. Il y a là Brice Hortefeux, François Fillon, Michel Barnier et Nico le Kid. En un instant, le joli saloon se transforme en un champ de tir. En quelques secondes seulement, Buffalo Juppé a envoyé le clan de Nico le Kid brûler en enfer. Mission accomplie, il s'empresse alors de rejoindre le bureau du shérif Chirac pour lui annoncer que tout est réglé et qu'il va enfin pouvoir redevenir son adjoint. C'est alors que le shérif Chirac aperçoit de sa fenêtre son fidèle lieutenant radieux. Quand, tout à coup, un ultime coup de feu retentit, le shérif Chirac s'affole. Alors garçon, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est réel, vieux. C'est le comte qui n'y était pas. Il en manquait un. Eh oui, planqué derrière lui, Charles Pasqua a tenté de descendre Buffalo Juppé pour venger Nico le Kid, mais il dégaine plus vite que son ombre. Pour finir, la seule question en guise de conclusion qu'aimerait poser le shérif Chirac à Buffalo Juppé, c'est de savoir, mais bon sang, qu'est-ce que tu aimes dans les westerns ? Qu'est-ce que tu aimes dans les westerns quand les Indiens kidnappent la nouvelle femme du shérif ? Les Indiens transforment la jeune blanche en une sublime squaw. Oui, j'aime. Bon, alors, nous irons vivre libres dans un pays sauvage. Dans un pays sauvage. Et nos armes seront. Et nos armes seront. L'amour et le courage, mon ami, n'aie pas peur. Je saurai te défendre. Et d'un bon coup de les serpents à sonnette. Sous les serpents à sonnette. Sonnez les serpents à sonnette. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand le héros s'en va seul comme un chien? Oh oui, j'aime. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand le héros revient et descend calmement tous ses vieux ennemis? Nous irons vivre libres dans un pays sauvage. Et nos armes seront. L'amour et le courage, mon ami, n'aie pas peur. Je saurai te défendre. Et d'un bon coup de botte, sonner les serpents à sonnette. Sonner les serpents à sonnette. Sonner les serpents à sonnette. Est-ce que tu aimes dans les westerns? C'est ce que demande Arthur H. à M, qui, pour cette chanson, galope côte à côte dans les plaines du Far West. Alors, pour poursuivre notre chevauchée fantastique parmi les cowboys, il est temps maintenant de retrouver, toujours en direct du Mangin Palace, nos deux héros à la conquête de l'Ouest, les fines gâchettes Monique et Jean-Claude. Le week-end dernier, ils ont été invités à un bal costumé et, comme tu t'en doutes, c'est déguisé en cowboy qu'ils y sont allés. Jean-Claude porte un magnifique Stetson à large bord, un pantalon en toile de jean et des Santiago de compète. Monique, elle, ressemble à Calamity Jane avec sa veste rose à franges et son chapeau en velours bleu. Jean-Claude se regarde dans la glace et fixe son reflet dans le miroir. Il s'en prête à engager un duel. Jean-Claude, quand il se regarde dans la glace, il trouve qu'il ressemble à... Buffalo Bill. Je voudrais être le vrai Buffalo Bill. Ne jamais faire de pile, toujours taper dans le mille, comme Buffalo Bill. Je ne suis pas, je le sens, cow-boy 100%. J'ai l'air idiot sur un pur sang. Quand il fait du vent, mon chapeau fout le camp. Ça fait rigoler les enfants. Buffalo Bill, je ne serai jamais que le faux Buffalo Bill. J'irai le voir jouer dans les ciné de quartier. Pour mieux en rêver comme un imbécile. De Buffalo Bill. Ça y est. Monique et Jean-Claude sont tous les deux déguisés en cow-boy pour aller à cette soirée costumée. Il est 20h, il faut partir. Monique s'apprête à appeler un taxi, mais Jean-Claude refuse. Avec les impôts à payer, ils doivent faire des économies. Ils ne prendront pas le taxi, mais le métro. Car, comme dit le vieux proverbe indien, la diligence peut être coincée dans les embouteillages, alors que... Rien n'arrêtera les dents du cheval de fer, cheval de feu. Il suit sa course et siffle au loin. Cheval de feu, cheval de fer, qui passe et ne voit rien. Et voilà comment Monique et Jean-Claude se retrouvent tous les deux déguisés en cow-boys dans le métro. Ils sont fiers, Monique et Jean-Claude, de leurs beaux costumes, car tout le monde les regarde. Tout le monde les regarde, sauf... ce clochard affalé sur son siège. Calamity Monique est un peu triste de voir ce pauvre homme tout seul. Mais Jean-Claude la rassure. Ce n'est pas vraiment un clochard, c'est... un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. En guise de parasol. Dans la rame de métro, une bande de jeunes très intrigués regarde Jean-Claude toujours déguisé en cow-boy. Les jeunes, ils ne savent pas trop s'ils ont affaire à un dingue ou si c'est le joint qu'ils sont en train de fumer qui leur fait de l'effet. Monique, toujours habillée en cow-boy elle aussi, s'approche d'eux, s'assoit en tailleur et, avec un large sourire, leur demande si elle peut avoir une taffe du calumet de la paix. Les jeunes sont estomaqués et lui tendent leur calumet. Monique, elle est contente de fumer avec ces jeunes apaches qui lui demandent pourquoi elle aime autant l'Amérique. L'Amérique, ça me fait rêver, et pourtant je n'y suis jamais allée. Mais je connais tous les refrains, tous les airs du folklore américain. Aussitôt je me vois déjà au fin fond de l'Arizona, affublé d'un grand chapeau et grattant sur un vieux banjo. La bande de jeunes indiens est devenue super pote avec les cow-boys Monique et Jean-Claude. Le calumet de la paix tourne à toute vitesse quand, soudain, les jeunes partent en courant. Des policiers sont sur le quai du métro. Les policiers, eux, n'engagent pas de poursuite infernale et s'arrêtent plutôt au niveau de Monique et Jean-Claude. Nos cow-boys sont cernés par les tuniques bleues. Monique et Jean-Claude, déguisés en cow-boy, se retrouvent donc face à trois policiers. Le plus grand des trois, le chef sans doute, se dit Jean-Claude, lui demande de décliner son identité. Non, prénom. Jean-Claude n'ose pas dire que son nom est personne, alors il improvise. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort, moi, le mec? Mais t'as vu que c'est l'avorton de la couvée. Alors à partir de maintenant, faudrait mieux regarder derrière toi quand tu marches, parce que tu vas te retrouver avec une balle entre les épaules. Ok, les policiers n'ont pas envie de rigoler. Jean-Claude ravale sa chic, les policiers se tournent alors vers Monique, qui est toujours complètement défoncée sous l'effet du calumet de la paix. Les policiers lui demandent pourquoi est-elle déguisée en cow-boy dans le métro. La réponse de Monique est toute simple. Qui c'est qui porte un grand chapeau avec des chemises à carreaux? C'est moi, la belle de l'Ohio. Qui c'est qui dans les rodéos fait retentir tous les bravos? C'est moi, la belle de l'Ohio. On m'aime mieux que Mae West, même mieux qu'Annie du Far West. Qui c'est que l'on a dans la peau et qui rend le cowboy dingo? C'est moi, la belle de l'Ohio. C'en est trop. Les policiers amènent nos deux cow-boys au poste. Monique est immédiatement placée en cellule de dégrisement. Jean-Claude, lui, est emmené dans le bureau de l'inspecteur. L'inspecteur n'a pas d'étoile de shérif sur la poitrine. Il regarde Jean-Claude, qui a l'air perdu dans ses pensées comme un cow-boy à terre. L'inspecteur, intrigué, lui demande ce qu'il a et Jean-Claude répond aussitôt que... On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee. De voir Jean-Claude si peu gai et déguisé en cow-boy, l'inspecteur, ça lui fait quelque chose de bizarre. Le gilet en cuir, la chemise à carreaux et le Stetson, ça lui rappelle la figure mythique du cow-boy du groupe Village People. Le jeune inspecteur est tout troublé et s'approche de Jean-Claude. Tu as l'air fatigué, grand petit homme. Tu veux venir dans mon tipi et te reposer dans de douces fourrures? Tu devrais venir vivre avec moi, je pourrais être ta femme. Tu es gentil de m'inviter, merci. Bon, au revoir, grand petit homme. Au revoir, petit cheval. Jean-Claude est un peu surpris de la déclaration de l'inspecteur. Après tout, pourquoi pas? Il hésite. Mais non, ce n'est pas possible. Jean-Claude explique à l'inspecteur qu'il ne peut pas car sa prisonnière du désert l'attend. Alors, l'inspecteur demande à ses collègues s'ils sont d'accord pour laisser partir Monique et Jean-Claude. Tous les policiers disent oui en cœur. C'est un peu un hockey choral. Avant de les laisser repartir, l'inspecteur vient serrer une dernière fois la main de Jean-Claude. Voilà. Aujourd'hui ou demain, c'est le moment où j'aimais. Peut-être après-demain, je te retrouverai. Car c'est fini. Voilà, c'est fini. Monique et Jean-Claude sont libres. La veste à franges de Monique est un peu froissée. Jean-Claude lui demande si elle va bien, si les effets du calumet de la paix se sont un peu dissipés. Monique, elle, répond à Jean-Claude que... Je suis dans un nectar proche de l'Ohio. J'ai le moral à zéro. Je suis dans un état proche de l'Ohio. Je me suis perdue dans le Colorado. On m'a laissé en radeau. J'imaginais trouver l'Eldorado. Monique et Jean-Claude ont en effet vécu un western moderne. Fin de l'aventure, s'ils se dépêchent, ils arriveront à temps à leur soirée déguisée pour raconter leur cruelle et douloureuse histoire. Écoutez, bonnes gens, la cruelle et douloureuse histoire des frères Dalton qui furent l'incarnation du mal, et que ceci serve d'exemple à tous ceux que le diable écarte du droit chemin. Tout petit à l'école, à la place de crayon, ils avaient des limes. En guise de cravate, des cordes de lin. Ne vous étonnez pas, c'est leur tout premier crime. Puis d'avoir fait mourir leur maman de chagrin. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, y a plus personne. Les années passèrent. Ils s'étaient débrouillés pour attraper la rage. Et ficelaient le docteur qui faisait les vaccins. Et puis contaminèrent les gens du voisinage. S'amusant à les mordre, puis accuser les chiens. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, il n'y a plus personne. Ils devinrent des hommes. Un conseil, mon ami, avant de les croiser. Embrasse ta femme, serre-moi la main. Vite sur la vie, va te faire assurer. Tranche-toi la gorge et jette-toi sous le frein. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Y a plus personne. Et la justice payée. Comme tous les jours, leur tête augmentait de 20 centimes. Des centimes américains. Ils étaient vaniteux et avides d'argent. Ils se livrèrent eux-mêmes pour toucher la prime. Car ils étaient encore plus bêtes que méchants. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, y'a plus personne. Tagada, Tagada, c'était les Dalton chantés en 1967 par Joe Dassin, le Lucky Luke de la chanson française qui dégaine les tubes plus vite que son ombre. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre chevauchée fantastique dans le Far West aux côtés des cowboys. Des saloons de l'Amérique au salon de la République, de Calamity Jane à Buffalo Juppé et des Stetson au Santiago, nous t'avons offert un panorama subjectif de ce que peuvent être les cowboys. Alors, c'est quoi être cowboy? Eh bien, au sens premier, c'est un garçon vaché dans les grandes plaines américaines. Mais le cowboy, c'est surtout un mythe fondateur des États-Unis. La figure du cowboy est omniprésente dans l'histoire américaine par les valeurs qu'il incarne. D'ailleurs, les présidents américains comme Reagan ou Bush se présentent volontiers comme des cow-boys virils dans leur ranch. Cela dit, cette image a considérablement changé ces derniers mois. En effet, avec les 3 Oscars du secret de Brokeback Mountain, la cow-boy attitude a pris une toute autre direction. Désormais, quand on revoit un vieux western, le bivouac auprès du feu, c'est un peu une backroom. Et puis, les terres sauvages et inexplorées du Far West, c'est pareil. Ça a bien changé. Maintenant, l'Ouest américain, c'est surtout Alerte à Malibu ou encore le facétieux gouverneur Schwarzenegger. Alors maintenant, pour terminer, il ne faut pas oublier que le Far West, c'est aussi, et peut-être avant tout, le peuple indien. Et c'est pourquoi la panique au Mangin Palace a imaginé que parmi nous, il existait une tribu peau rouge. Alors, dans cette tribu peau rouge, chacun a un totem. Par exemple, François Hollande, pour François Hollande, Jack Lang, c'est Anguille sous roche. Alors que pour Laurent Fabius, François Hollande, c'est fraise des bois. Et pour Jack Lang, Ségolène Royal, c'est menthe religieuse. Ensuite, dans la tribu du PS, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Tout le monde est un peu guerrier et chasseur. D'ailleurs, dans la tribu pour 2007, il va falloir trouver un chef. Beaucoup seront scalpés. Sauf bien sûr Laurent qui, lui, ne risque pas grand-chose de ce côté-là. En tout cas, cette fois-ci, pour aller jusqu'au second tour, les guerriers PS ont tout intérêt à demander leur chemin à Bison Futé. Cela dit, au PS, il y a bien un vieux chef Sioux qui aimerait revenir. À l'époque, il s'appelait Hibou Rigoureux, aujourd'hui isolé dans son tipi sur l'île de Ré. Désormais, il préférerait qu'on l'appelle Tambour Battant et que son chant de guerre soit... Je suis l'homme qui tombe à pique, je suis l'homme qui vient de loin. Et dans ma peau de flic, je n'ai jamais peur de rien. Je suis l'homme qui tombe à pique, j'ai ma vie entre mes mains. Et si je prends des risques, ça n'est jamais, jamais... C'était L'homme qui tombe à pic, un destin très recherché pour l'année qui vient. Voilà, fin du 36e épisode, c'était C'est quoi les cowboys, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle aventure total foutraque et archi loufoque. C'était Panique au Mangin Palace Radio Mix. A été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Aux platines, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco, qui était assisté aujourd'hui à la technique de Eric Mainviel et de Dimitri Gronoff. Merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard et à Mel Caldi. Pour les scuds, on a Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi aux documentalistes de l'INA et enfin merci beaucoup à Catherine Pinto, notre jeune stagiaire très efficace. Pour toutes les informations complémentaires, La Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans